Exercice 13, page 165. Il ne sent plus ses pieds. Il a l'impression de voler. Il lui faut un exercice plus difficile. Il traverse le vieux pont et s'élance à toute vitesse en direction de la colline qui monte jusqu'à la cité médiévale.